بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. Par la nuit quand elle s'étend, par le jour en son éclat, et par celui qui a créé le mâle et la femelle, vous avez des conduites bien divergentes. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Il y a parmi vous celui qui fait des dons charitables, qui se comporte en vertueux et qui croit à la meilleure mission. Celui-là, nous faciliterons la voie du salut. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Quant à celui qui se montre avare, suffisant, et qui renie la meilleure mission, nous allons le conduire sur la voie la plus pénible. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. Ses fortunes ne lui serviront à rien quand il tombera dans l'abîme. Inna alayna lal-huda wa inna lana lal-akhirata wal-ula. Il nous appartient certes d'indiquer le chemin. C'est à nous qu'appartiennent la vie de l'au-delà et la vie d'ici-bas. فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى. Je vous mets en garde contre la fournaise infernale. Elle ne reçoit que l'incrédule malheureux qui renie et tourne le dos à la foi. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى. Elle épargnera l'homme pieux qui donne ses biens en charité. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى. Sans demander ni payer de récompense à personne, mais uniquement pour voir la face de son Seigneur, le Très-Haut. Cet homme-là sera assurément satisfait.